Fafai, quartier rouge, la carotte, la banane quoi, let's go funk, wesh, quartier rouge, t'es crié, t'es crié, t'es crié, tu crois que c'était mort enculé, vas-y reste, fais des tours la louange, Narvalo, Narvalo, ah, c'est pas mort ma gueule. Caisse de sky, kilo de scum, kilo de fesses, on est sale et dans les cages, de sperme, un consomme, ça fume à fond, pas de problème. Direction Kamsar, on prend un star pour les missards. Un peu luxe normal, faut que ça défonce, c'est normal. Le coffee shop sur les blocs, j'ai plus moins une morale. A gauche, j'étais sexe, le moyen de retrouver une morale. Pareil, ça brûle, plus quand t'as l'air des trucs graves. Un peuple de pervers, le neurone et tous mes os boivent. Y'a pas de vitrine, que des clitoris dans le cap. En plus, j'm'en bats les couilles, si tu nous blâmes, regarde notre état. J'suis dans la police, pas d'Amsterdam. C'est pour mes lascars et les cadavres des dépotoirs. Encore une fois, Red Sky, MC notoire. Connu pour travestir, périm, mais faire taffer sur trottoir, pas Amsterdam, c'est Samaris, luxure et stade, c'est comme des varices, whisky sec, charade, quoi que tu fasses, faut mettre le tarif. Paris interactif, sous l'angle de l'apéritif, cherche tes repères après le split, cesse d'investir à perte, dans leur opéra de merde, faut faire, mettons le masque, il y a des faux frères, retourne mon OPA, j'perds trop de temps, seulement content quand je compte, l'argent compte. Paris Amsterdam, c'est Samaris, luxure et stade, c'est comme des varices, mode de vie illégale, planque ton shit pour pas que les flics se régalent, planque ton shit dans la trousse. Sous les jupes, les à l'Amsterdam. Pas de CB dans les poches, trop de CC dans les anus. Mon CV écrit sur une feuille, au CP honnête, tous la vie. Peu de gens bien, mais c'est la vie. Capital Paris, victime de leur vitrine, de leur machine à thunes. Victime des fausses blondes et des bières brunes. Merde, c'est la folie, la course frérot. Avant que ça porte ton couille à la course, remplis ton chariot, vide les rayons, comme en Argentine. C'est mort, tu vas comprendre c'est quoi la famille. La rue est vers l'or comme au Far West. Le shérif allemand teint, les indiens toujours en chien, rien. Sa butine est même putain, putain de merde. L'argent tue, la place du mort dans le train, train quotidien. Rien de bien, t'as le démon sur les reins. T'as pas le monde dans les mains parce que t'en portes rien dans une tombe. J'mate Panama avec des yeux de chip. Maria fait les yeux de chat, ton paria. Ici même les vieux speak, on pourra dire ce qu'on veut. Vous mettre braqueur sur pédophile. Macro tasse en masque, nécrophile. Prends une grande masse et mixe la nicotine. Avec ce que tu sais, pas besoin d'en faire un film. La paresse fait naître ses fils. Laisse apparaître les virettes. Graffité d'une grosse cicatrice. Six, six, six, mille façons de s'éteindre. Frangin, ma couille, faut rêver tôt. Tu peux crever demain. C'est pour qui la vie est rêve. Le réveil sera mortel. Des entes aux enfers sans trêve. Bref, le bordel. Pas de cesse, mesure. J'traque de luxe formel. Fous la merde dans ma cervelle. Michetons et michetonneuses. Même les donneuses sont plus d'honneur. Pas la même agadam, Amsterdam. J'te donne. On se la fait chassant sur les chips et les chasses, ça part vite en prix. Entouré de trailleurs sur ce gramme qui brille. Et la nuit, c'est le genre Bernard pour l'enquille. Protège ton cul, t'as ce car on se l'approprie à tout prix. Pas l'Amsterdam, vie s'avarice, luxure, extase, il est comme des varices. Mode de vie illégale, planque ton chip pour pas que les flics se régalent. Planque ton chip dans la trousse, sous les jupes, des pétales. Amsterdam, pas de CB dans les poches, trop de CC dans les anus. Mon CV écrit sur une feuille, au CV honnête, tous la vie. J'en plains, mais c'est la vie. Pas l'Amsterdam, si ça varie, luxure, extase, c'est laid comme des varices. Mode de vie illégal, planque ton chip pour pas que les flics se régalent. Planque ton chip dans la trousse, sous les jupes des pétasses. Pas de CB dans les poches, trop de CC dans les anus. Mon CV écrit sur une feuille, au CV honnête, tous la vie. Peu de gens bien, mais c'est la vie. Pas l'Amsterdam, pas l'Amsterdam, pas l'Amsterdam. C'est grillé, c'est PMM. Ouais, ouais, ouais. Et puis les gars du son, ouais.